petite fille, ne fais pas ces yeux-là. Coude pas, surtout pas. Ma colombe, si l'amour encore n'est pas là. Coude pas, boude pas. Quand le soleil fait briller lors de tes saisons, ne boude pas quand le soleil se lève à l'aurore de tes printemps. Sais-tu bien qu'un ange viendra déposer demain devant toi autant de perles et de saphirs que j'ose à venir. Ma colombe, ne fait pas ces yeux-là. Boude pas, boude pas. Non, petite, ton amour sera bientôt là. Bien à toi, oui, crois-moi. Petite, ne fais pas ces yeux-là. Boude pas, boude pas. Ma colombe, si l'amour encore n'est pas là. Boude pas, surtout pas. Quand le soleil fait briller lors de tes saisons, ne boude pas quand le soleil se lève à l'aurore de tes printemps. Ma colombe, il faut mon ami qu'à travers tes lèvres qui rient on entende des chants d'oiseaux. Alors aussitôt, ma petite colombe, de toi. Boude pas, tu verras, tu n'auras que l'embarras du choix ce jour-là. Boude pas.